1er mars 1838, du château du comte Orlok au pays des fantômes, dans l'après-midi. Je ne partirai pas encore aujourd'hui. Ce n'était pas que l'envie m'en manqua, mais le comte m'a dit que sa voiture et ses chevaux n'étaient pas prêts, que son cocher avait un accident, et qu'il fallait bien que je compte rester au château 2 jours encore. J'en suis navré, je commence à être nerveux. J'ai encore été piqué par les moustiques cette nuit et d'une façon très cruelle, presque au même endroit qu'hier, mais plus profondément. Or, j'ai beau laisser ma fenêtre ouverte, allumer une bougie dès que la nuit tombe, je ne vois pas du tout de moustiques dans la pièce. Ce ne doit pas être des insectes comme les nôtres. En tous les cas, je suis épuisé. J'ai tous les membres comme si j'avais été battu et de plus, je me sens la fièvre. Ce matin, le comte Orlok ne m'a pas dérangé. Je ne l'ai vu qu'à l'heure du repas. Cette fois encore, il a insisté pour que je mange et je n'avais aucun appétit. Nous avons eu une étrange conversation. Je la rapporte parce qu'en la fixant sur le papier, j'en comprendrai peut-être le sens exact. Est-ce que vous êtes superstitieux ? M'a-t-il demandé. Pas du tout, monsieur le comte. Vous croyez aux fantômes ? Non. Et aux revenants ? Pas davantage. Vous ne croyez pas non plus aux spectres ? Naturellement, non. Alors, vous devez passer des nuits magnifiques. Généralement, je dors bien. Même ici ? Mais oui, monsieur le comte, vous avez de la chance. Pourquoi vous ne dormez pas, vous ? Si, mais moi je suis habitué à tous les visiteurs de la nuit. Quels visiteurs ? Aux fantômes. Il vient des fantômes. Bien sûr. Vous en avez vu ? Toutes les nuits, depuis des années. Mais quels fantômes ? Ceux des habitants de ce château. Vos parents, les Orlok ? Oui. Tous les membres de la famille des Nosferatu Orlok. Les Nosferatu ? Oui. Il me semble que je connais ce nom-là. Il fit un geste de la main. C'est possible. En tous les cas, ils viennent me tenir compagnie quand la nuit tombe et nous tenons quelquefois des conseils de famille qui ne manquent pas d'intérêt. Car j'y entends raconter l'histoire de ma race depuis des siècles. Je ne voulus pas contredire mon hôte. Quel âge avez-vous ? Me demanda-t-il. 30 ans. Et quel âge me donnez-vous ? Pour ne pas déplaire au comte, je répondis 70 ans. Il se dressa d'un bond et dansa, pour ainsi dire, sous mes yeux un pas grotesque qui me fait rire si je n'avais eu tout de suite l'impression que je voyais danser un squelette de la danse macabre. 70 ans. S'écria-t-il. Vous n'êtes pas physionomiste, monsieur Jean Uther. Pourquoi, vous êtes plus jeune ? Oui et non. Excusez-moi si je me suis trompé. Il continuait de glousser, tout en sautillant. 70 ans. Pour la force, monsieur Uther, j'ai 20 ans. Je n'en ai pas l'air, mais s'il me plaisait de vous étrangler sur l'instant, vous verriez quelle poigne je possède. Et ce disant, il avança vers moi et voulut recommencer la petite plaisanterie du premier soir en approchant ses ongles immenses de ma gorge. « Non, je vous en prie, » répondis-je avec fermeté. « Oh, je n'ai pas l'intention de vous faire du mal. Vous m'êtes trop précieux, monsieur Uther. Le savez-vous que vous m'êtes précieux ? J'en suis flatté, mais je l'ignorais. Si je pouvais, je vous garderais 3 mois auprès de moi, et alors j'aurais 5 ans. » Le sens de ce mot comique m'échappait complètement. Vous ne m'avez toujours pas dit votre âge, monsieur le comte. J'aurai 5 ans, si vous restiez là. J'esquissai un sourire par politesse. Oui, mais puisque je m'en vais, regardez-moi bien, monsieur Uther. Je ne suis pas beau. Mais vous avouerez que je ne suis pas mal conservé, certes. Eh bien, j'ai 143 ans. Je ne puis dissimuler ma stupeur. 143 ans ? Vous plaisantez. Pas le moins du monde, je suis né en 1685. C'est impossible. J'avais la preuve vraiment que mon homme était fou. Pour ne pas le contrarier, j'objectais timidement. Vous êtes un phénomène. Non, je sais le secret de la longue vie. Ah, voilà qui est intéressant. Ça vous passionne ? Dame, monsieur le comte, c'est là un secret pour lequel les hommes donneraient tout leur bien. Et vous feriez rapidement fortune s'il vous plaisait de le divulguer. La fortune ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un peu le bonheur. Préjugé. Le bonheur n'est pas là, monsieur Uther, il est dans la réalisation des ambitions les plus secrètes de l'homme, et dans la domination du monde. Je suis un maître du monde. Je saluai non sans ironie. Monsieur le comte, je suis votre humble serviteur. Cela vous amuse, et je vois que vous ne me croyez guère. Je vous demande pardon. C'est pourtant vrai. Celui qui possède le secret de la vie est le maître du monde, en effet. J'avais dit cela sans conviction. Il reprit, plus imposant et doctoral que jamais. « Je suis celui qui ne meurt pas. Je suis celui qui vit des autres. Je suis celui qui établit sur l'univers la domination des intelligences subtiles et des idées surnaturelles. Je suis l'incarnation d'un... » Il s'arrêta net. « D'un quoi ?»« J'en ai assez dit. Vous ne pourriez pas me comprendre. » « Je ne suis pas si sot que j'en ai l'air. »« Ce n'est pas ce que je veux dire, monsieur Uther. Mais vous êtes un homme fait pour les plaisirs matériels. » Je vois cela à votre bonne mine et je m'en réjouis d'ailleurs. Il faut des gens comme vous à bonne mine, ayant un sang généreux, un bon sang clair qui coule sous la peau comme une eau de source sous l'herbe printanière. Il faut des gens comme vous, pleins de santé, pour que les purs esprits puissent vivre en dehors de tous ces soucis grossiers. Faites-vous du sang, monsieur Uther, faites-vous du sang. Il dressa ses longs bras au-dessus de sa tête, les agita comme de grands ailes et je ne le revis plus. Au fur et à mesure que j'écris, ma lassitude est plus grande. Je m'arrête ici. Que fait ma pauvre Hélène pendant ce temps? Ah, si elle savait où je suis, dans quel état serait-elle?